C'est ça le désavantage quand tu essaies de pousser là. Quand tu pousses, il faut maîtriser le truc là. Sinon, c'est pas possible. Tu joues trop avec moi. Ah là, je peux pas. Je trouve ça. Je vois avec joues trop aux avec moi. Oh putain d'autotune, fucking autotune. Elle joue aux avec moi. Elle joue trop. Baby. la watch. No.